J'ai le grand plaisir de présenter Daniel Yatkin, donc, qui est professeur d'économie à l'Université d'Évry, membre du Centre d'études des politiques économiques. Et parmi ses nombreuses publications, je citerai seulement donc, Le marché chez Adam Smith, paru chez L'Harmattan en 1991, disons, vous avez co-dirigé, la réédition de La richesse des nations chez Garnier Flammarion en 1991, que vous avez aussi introduite, et je vous cède tout de suite la parole pour une communication intitulée « Hume, un commerce si doux et si inquiétant ». Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse nuit que Hume et Rousseau ont passé ensemble, et où effectivement leur commerce semble avoir été peut-être pas doux, mais en tout cas assez inquiétant. Je n'avais pas pensé spécialement en ce titre à Rousseau. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Enfin, m'avait proposé de venir commenter, puis finalement que j'ai servi un peu de substitut, et extrêmement content d'ailleurs. Il se trouve que j'étais en train de travailler sur un texte sur Hume, et donc je vais traiter de cette question, donc, non pas du doux commerce, parce que ce terme n'est pas utilisé par Hume, enfin, le problème du raffinement dans les mœurs, et de relations, de caractère, de l'ambiguïté, très souvent signalée d'ailleurs, hein, je ne suis évidemment pas le premier à le signaler, de l'ambiguïté de Hume par rapport à cette question qui est pas moins ambiguë que celle de Rousseau, excuse, dont on vient de parler de Hume, comme mon auteur favori c'est Smith. Smith est un immense économiste et un grand philosophe, mais en tant qu'économiste je me sens plus à l'aise pour parler de Smith. Hume est un gigantesque philosophe et un moyen économiste. Donc par conséquent, là, avec Hume, en tant qu'économiste, je marche sur des œufs. Hein, et donc j'ai pris d'être assez indulgent parce que je suis sur des terrains que finalement je ne maîtrise pas complètement. J'attends votre aide d'ailleurs. Alors pour commencer cet exposé, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un petit rappel historique à titre d'introduction sur le cas de la situation de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne dans la première moitié du XVIIIe siècle, parce que c'est quand même extrêmement exotique, hein, et je voudrais donc simplement insister sur trois conflits, parce que la Grande-Bretagne est une société absolument, l'Angleterre en particulier, une société très conflictuelle, beaucoup plus conflictuelle que la France par exemple à la même époque. C'est une société conflictuelle, et il y a donc trois grands conflits qui traversent cette société. Et ces trois grands conflits donnent naissance à trois thèmes, trois topos standards de la pensée politique de cette époque en Angleterre. Et c'est ces trois topos standards dans lesquels s'insère la pensée politique de Hume, parce que ça va être évidemment la pensée politique. Donc les trois conflits sont les suivants. Pardon, je ne sais pas. Le premier conflit est très ancien, il remonte au Moyen-Âge et il prend une nouvelle tournure depuis la Révolution de 1688. C'est le conflit standard qui oppose la cour et le pays, le conflit. Et donc, le grand thème, ce thème standard fonctionne sur le thème de, bien entendu, sur le thème de la corruption. La cour, le roi, Londres, corrompt le personnage standard de la vie politique anglaise, qui est le country gentleman, ou le yeoman, ça dépend des cas, et qui représente toutes les vertus d'indépendance traditionnelle de l'Angleterre depuis le Moyen-Âge. Ça, c'est le premier conflit. Le deuxième conflit, et ça est beaucoup, beaucoup plus récent, il oppose un conflit de classe. Parce que ce qu'on oublie assez souvent, c'est que la grande affaire, la grande invention de l'Angleterre à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, c'est le conflit de classe. Hein, et le conflit de classe a cette particularité qui nous est un peu étrangère maintenant, c'est qu'il n'oppose pas essentiellement les riches aux pauvres, et encore moins les non-travailleurs aux travailleurs. Il oppose des riches aux riches. Et donc le grand conflit, c'est le conflit entre monnaie et d'intérêt. Et dans le sens d'intérêt, un sens très puissant qui est à peine évoqué, si mes souvenirs sont exacts, par Eichmann, au London Interest. Et là aussi, le thème de la corruption apparaît. Donc, le modèle d'intérêt représente la classe des marchands et des financiers. En général, on dit on sépare pas les marchands, les bénéfices commerciaux et l'intérêt financier. Tout cela est associé dans la même classe sociale, le modèle d'intérêt. On trouve par exemple chez Locke cette idée que le rôle du gouvernement civil est précisément de faire en sorte que la quantité de monnaie soit suffisante pour arbitrer le conflit usuel qui oppose ces deux classes sociales. Quant aux travailleurs, dit Locke sur le site de mémoire, le conflit avec les travailleurs n'intervient que très rarement dans le gouvernement très régimé. Donc, ça, c'est le tout troisième conflit. Et puis, le troisième conflit, donc, maintenant, c'est le conflit, grande invention également anglaise de la fin du XVIIe siècle, le conflit entre parti Whig et parti Tory. Ça, l'invention des partis, ça, c'est des partis politiques, et non pas religieux, non pas des sectes, etc., des conflits. Même si la dimension religieuse est importante dans ce conflit entre Whig et Tory, elle ne reste pas moins qu'elle passe maintenant au second. Donc, trois conflits qui donnent naissance à trois topos absolument standards. Alors, le premier, sur lequel on n'est pas souvent, à ma connaissance, trop cité, c'est la transformation du barbare. Le premier topo qui est très important à mon avis, c'est le fait que jusqu'à cette époque, l'idée était que la chrétienté était entourée de païens. Auparavant, l'empire était entouré de barbares. Le barbare est devenu païen, et maintenant, à partir du XVIIIe siècle, le barbare, le païen vont devenir des sauvages et vont devenir des primitifs. Et donc, la pensée, on trouve très fréquemment dans la pensée anglaise, on trouve ça chez Smith de façon très, très insistante, l'opposition entre les deux Indes, l'Inde orientale et l'Inde occidentale. Dans l'Inde occidentale, on trouve justement les populations les plus sauvages, les plus primitives, justement. Au contraire, dans l'Inde orientale, on va trouver la Chine, dont Smith dit qu'elle est au comble de l'opulence. Et l'Europe se trouve entre les deux Indes. Et donc il y a l'idée qu'il y a un passage de l'Inde occidentale à l'Inde orientale, et ce passage, c'est l'idée du progrès historique qui va se créer là-dessus. Donc ça, c'est un premier topo, c'est que le sauvage est devenu un primitif, et que nous, Européens, nous sommes dans une trajectoire qui va conduire très probablement à une situation pas très heureuse d'ailleurs, qui est celle de la Chine. C'est un thème qu'on trouve assez fréquemment, en tout cas on trouve très clairement chez Smith. Donc ce thème du progrès s'oppose frontalement à un autre thème, qui est exactement celui dont on a commencé à traiter, qui est celui qu'a étudié par Pocock et par Quentin Skinner, qui est le néo-machiavélisme, qui lui est du néo-républicanisme, qui lui est un topo tout aussi banal, je crois, hein, qui est celui hérité donc, des historiens latins, sur laquelle l'évolution de Rome n'a été qu'une longue décadence. Enfin, si on lit Tite Livre ou Tacite, n'importe quel auteur latin, c'est ce thème général. À quelques moments de l'histoire de Rome, on se situe au 3e siècle avant Jésus-Christ ou au 3e siècle après Jésus-Christ, nos ancêtres étaient de toute façon beaucoup plus vertueux que nous sommes. Ça, c'est le thème standard. Donc, ce deuxième topo, c'est le topo qui était défendu, tout ça était bien connu, qui était défendu par Bolingbroke, par exemple, selon laquelle l'enrichissement s'oppose à la vertu politique, c'est ce dont on a commencé à discuter déjà tout à l'heure. Et le troisième topo est militaire, parce que la vertu politique, c'est la vertu militaire par excellence, et donc ça se greffe sur cet extraordinaire paradoxe, très inquiétant, très intéressant, en particulier en Angleterre, qui est le cas de la Hollande. Bien sûr, les Hollandais sont frugaux et peu luxueux, mais ils sont surtout capables de résister à l'alliance, avant la révolution de 1788, à l'alliance de la France et de la Grande-Bretagne, puisqu'ils étaient en guerre à la fois contre Louis XIV et contre la monarchie de Charles II. Et puis après 1788, l'alliance hollandaise, anglo-hollandaise va résister et mettre finalement, au moins faire match nul au minimum, avec la superpuissance qui était la France au début du XVIIIe siècle. Et donc, la question, pour comment la Hollande a-t-elle les moyens, pays pauvre et pays peu peuplé et peu étendu, comment la Hollande, qui n'a ni terre ni d'hommes, finalement, relativement entre la France, peut-elle résister à des ennemis aussi redoutables? C'est tout simplement grâce à son commerce. Et donc le commerce est l'instrument de la puissance militaire hollandaise, et c'est un thème absolument traditionnel au XVIIe siècle, il sera repris au XVIIIe siècle, selon laquelle c'est le grand thème de la pensée mercantiliste anglaise, English Treasure by Foreign Trade. Donc c'est le titre du texte de Thomas Moon, qui est l'adversaire déclaré de Smith. Smith s'oppose, écrit la richesse des nations aussi pour s'opposer à Moon, d'accord, et c'est aussi l'adversaire de Hume, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Bon, et donc, je vais essayer, si je... J'espère que je ne vais pas redouter à l'heure à laquelle je vais commencer. Ah, pile, donc 20 minutes. Bon, donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais d'abord vous montrer donc comment la... je vais me concentrer, alors, effectivement je devrais dire que ce que je vais raconter maintenant n'a rien à voir avec des événements récents, puisque je vais parler essentiellement de la dette publique. Donc je vais vous montrer, je vais partir d'un point qui a été bien étudié par Hont, par exemple, et par Pocock, sur l'insistance, la position très importante, très, très dramatique, prise par Hume concernant la dette publique. Et là, ce qui se résume par cette formule de Hume, le crédit public détruira la nation, ou la nation détruira le crédit public. Donc il y a un conflit absolument ouvert, clairement posé par Hume. Donc il faudrait expliciter ce point. En effet, pourquoi en est-il ainsi? C'est que le crédit public a permis la passion, alors là on a une belle passion, hein, la passion martiale des Britanniques, de s'exprimer et de permettre à cette passion martiale de tenter de construire un empire en Europe. Et donc c'est le crédit public qui a permis à cette passion de se manifester. Alors là, ça a déjà été montré, là on est vraiment dans une situation où là les passions ne sont pas opposées à elles-mêmes. Hein. On est dans la situation où il y a une passion dominante, la passion martiale, qui se déploie selon Hume de façon catastrophique en Grande-Bretagne. Je vais me concentrer sur l'argument économique de Hume, justement pour montrer le caractère désastreux de cette passion martiale et le caractère désastreux du crédit public qui permet donc à cette passion martiale de se manifester. Et ça, c'est quelque chose que j'apporte, disons. Et puis si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de la curieuse position de Hume qui concernant le désir d'enrichissement sans limite. Passion qui justement, elle aussi, ne trouve aucune autre passion pour la limiter, dit Hume. Alors ça, c'est quelque chose que je regardais Hirschman justement à cette occasion. Je crois que Hirschman est effectivement très embêté par cette affaire. Et pourtant, elle est absolument centrale dans toute la théorie de la politique et de la justice de Hume, bien sûr. Alors, il va être beaucoup question de la monnaie. Je vais donc traiter ça rapidement. Puisqu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il est question de la monnaie? C'est parce que, pour comprendre mieux la position de Hume, en tout cas du point de vue d'un économiste, si on se rappelle que Hume réfléchit nécessairement dans le cadre d'une économie monétaire. Alors, ça peut paraître, pour les non-économistes, qu'on puisse insister sur le fait qu'il est important de réfléchir dans une économie monétaire, ça peut paraître tout à fait étrange. Pour les économistes, au contraire, le fait qu'il soit important de réfléchir dans le cadre d'une économie monétaire paraît également étrange. Bon. Donc voyons d'abord les essais. Hein. Le célèbre essai, peut-être l'essai le plus célèbre de Hume, c'est l'essai de l'argent, qui s'ouvre par cette proposition célèbre. L'argent n'est pas à proprement parler l'un des objets du commerce, c'est seulement l'instrument dont les hommes sont convenus pour faciliter l'échange. Ce n'est pas une des roues du commerce, c'est l'huile qui rend le mouvement des roues plus doux et plus aisé. Alors là, c'est associé à un lieu commun absolument banal que les économistes trouvent qui a permis en particulier donc d'attribuer à Hume l'une des premières, peut-être la première, on peut en discuter, formulation de ce qu'on appelle aujourd'hui la neutralité de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je peux prendre un exemple qui a été célèbre. On échange, et puis un échange de marchandises 1 contre de l'argent, ça s'appelle vendre. Et puis avec cet argent, on achète une marchandise M2. Bon, il est bien clair que dans cet échange, c'est l'usage normal de la monnaie, hein, dans cet usage, dans cet échange, la seule chose qui compte, c'est le rapport M1 sur M2. Par conséquent, on se fiche totalement, aussi bien le vendeur que l'acheteur, sont totalement indifférents à la quantité de monnaie qui va servir à effectuer cette transaction. Par conséquent, il en déduit nécessairement, si la monnaie n'est que ça, que la valeur de la monnaie, c'est-à-dire la quantité de M1 et la quantité de M2 qu'elle peut acheter, dépend que de sa quantité. Bon, ça, c'est l'idée de la neutralité de la monnaie, c'est ce qu'affirme tout le monde là. Hein. Donc, par conséquent, quelle que soit la quantité de monnaie, puisque le bonheur des échangistes réside uniquement en M1 et M2, la quantité de monnaie, on s'en fiche. Et Hume est très content. Bien. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'est-ce qui se passe entre-temps, hein, si on se... Donc, Hume suppose toute une série de plusieurs exemples d'expériences intellectuelles. Supposons que la quantité de monnaie double, triple, diminue dans le royaume. Ben, il ne se passerait rien, dit Hume. Sauf que... il faut quand même étudier comment ça va se passer. Et dans l'entretemps, évidemment, ça pose un problème. Et je passe là-dessus. Et la position donc, de Hume... ce qui est intéressant dans la position de Hume, c'est qu'en même temps, Hume va affirmer, avec beaucoup d'énergie et de façon très sensée, me semble-t-il, que si la quantité de monnaie n'a pas d'importance, la monnaie est très importante, parce qu'une économie sans monnaie est une économie complètement retardataire, arriérée, il donne des tas d'exemples. Et puis il se rend bien compte que depuis la découverte de l'or, la découverte de l'Amérique, l'arrivée d'or et d'argent depuis le XVIe siècle a changé les choses. Et il est obligé à chaque fois de dire, de mettre énormément de bémols à cette proposition centrale sur la neutralité de la monnaie. Alors, en général, les économistes disent, oui, d'accord, à court terme, la monnaie n'est pas neutre, mais à long terme, tout va revenir dans l'ordre, elle se neutralisera. Ces effets vont se annuler. C'est une proposition qu'ils ont eu toujours, et ils chercheront à la démontrer, bien sûr, c'est malheureux, comme tout le monde, mais ils ont beaucoup de mal à le faire. Hein. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que Hume est dans cette contradiction? Cette contradiction qui, encore une fois, dont les économistes vont retrouver, ils ne vont pas en hériter, ils vont la retrouver régulièrement, cette idée que la valeur de la monnaie dépend que de sa quantité et en même temps, donc elle serait neutre, mais en même temps elle ne peut pas être neutre. Cette contradiction, je cherche à expliquer pourquoi Hume s'est trouvé là-dedans, dans ce piège, en quelque sorte, lui-même. Pourquoi il s'y est mis ? Eh bien, la réponse est assez simple, et on comprend bien si on regarde l'essai qui est publié au cœur des essais économiques. Les essais économiques ont été publiés en 1752. Et au cœur des essais économiques, il y en a un sur l'équilibre du pouvoir, qui n'est pas du tout économique. Les économistes ne le lisent jamais. Et qui donne la clé de tout l'ensemble. Qu'est-ce que dit cet essai sur l'équilibre du pouvoir ? Il est très, très simple. Cet essai sur l'équilibre du pouvoir dit, eh bien, une doctrine de politique étrangère qui a toujours été appliquée avec sagesse, qui est tout à fait raisonnable, qui a été appliquée en Grèce, la Grèce ancienne, sur laquelle il fallait qu'aucune cité ne l'emporte, ne puisse obtenir la prééminence sur les autres. À Rome, malheureusement pour Rome, cette doctrine n'a pas été appliquée, ni par Rome, ni par ses adversaires, ce qui fait que Rome a pu établir son empire sur l'Empire romain, malheureusement. Les Anglais, et évidemment les Whigs, au pouvoir, sans discontinuité depuis l'arrivée de la dynastie de Hanovre, les Whigs prétendent pratiquer cette doctrine de l'équilibre des pouvoirs et donc interviennent militairement en Europe pour empêcher que la principale puissance, qui est encore la France à l'époque, obtienne la prééminence sur les autres. Eh bien, les Whigs prétendent pratiquer cette doctrine. En réalité, c'est faux. Les passions martiales des Anglais, que les Whigs encouragent, évidemment, les poussent à aller beaucoup plus loin que simplement la pratique de l'équilibre des pouvoirs, mais les poussent à chercher à obtenir leur hégémonie sur l'Europe. Et donc, par conséquent, ils font des guerres beaucoup plus longues, beaucoup plus coûteuses que la simple application de la doctrine de l'équilibre des pouvoirs nécessiterait. Bien. Donc là, une passion qui est contrebalancée par rien du tout, et qui est d'autant moins contrebalancée par rien du tout, que précisément, c'est le crédit public qui permet de financer ça. Alors la croissance de la dette publique en Angleterre au XVIIIe siècle est phénoménale. Hein. Ça aurait pu apporter... Enfin, vous trouverez sur Internet très facilement les données là-dessus. Si vous faites un clic. Bon, et à la fin du XVIIIe siècle, pas à l'époque de Hume, mais à la fin du XVIIIe siècle, le ratio dette publique sur PNB anglais est de 250%. Hein. Bon, bien supérieur à... Donc, effectivement, ce qui se passe à l'époque, ce que ne voit pas Hume, ce qui est magnifique, c'est que les Anglais sont ravis de la dette publique. Les prêteurs anglais ne demandent pas mieux que de prêter à l'État, évidemment. Il n'y a pas de meilleur emprunteur que l'État, puisque depuis la Révolution de 1680, enfin, ils le voient quand même en partie, depuis la Révolution de 1688, l'impôt est voté, l'impôt rentre et l'impôt va payer les intérêts. Et donc, les prêteurs ne veulent surtout pas que le capital soit remboursé. Ce qu'ils veulent, c'est que les intérêts rentrent, bien sûr, et soient payés. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque même, d'ailleurs Montesquieu, qui lui aussi a quelques problèmes avec la dette publique, à la même époque, le gouvernement britannique, qui a emprunté sur 10 ans, qui tous les 10 ans devait rembourser sa dette, eh bien, qu'est-ce que vous ne remboursez pas la dette? Il demandait aux gens, bon, ben, je vais emprunter de l'argent pour pouvoir rembourser le capital. Et à qui voulait lui prêter? Ce précisément auquel il devait de l'argent. Donc on va créer les comptes soldes, c'est-à-dire les dettes perpétuelles. Après la Révolution française et après l'Empire, on créera la rente d'État en France, et il suffit de lire Balzac, hein, c'est pas la peine d'aller très loin, de faire de grosses études de pliométrie pour voir que le placement favori des Français au 19e siècle, après la Révolution et après l'Empire, après la Restauration, le placement favori des Français sera précisément d'avoir des titres inscrits sur le grand livre de la dette publique, de la dette perpétuelle. Ça va rester jusqu'au 2 août 1914, après c'est fini. Bon. Mais donc, par conséquent, surtout ne pas rembourser le capital. Et à être sûr, c'est exactement, les prêteurs sont dans la position de dire, mais c'est comme si l'Angleterre s'agrandissait. C'est exactement comme acheter de la terre. Quand vous achetez de la terre, vous ne retrouvez pas votre capital, mais vous touchez un revenu sûr que vous pouvez léguer à vos enfants. Et bien, c'est la même chose avec la dette publique. Donc, par conséquent, ça marche très bien. Ça, évidemment, Hume ne le voit pas très bien. Donc, il est effrayé par la croissance de cette dette, qui permet, alors, donc, le crédit, qui est un des instruments contre lequel Hume donne, le crédit privé paraît à Hume quelque chose de tout à fait raisonnable, mais quant au crédit public, ce serait exactement comme dit Hume, ouvrir un fils prodigue, un compte sur n'importe quel banquier de Londres. C'est ruineux. Donc on comprend maintenant le sens de l'insistance de Hume sur la neutralité de la monnaie. Pourquoi ? Parce que juste après l'essai sur l'équilibre du pouvoir, il y a l'essai sur les impôts dans lequel il dit, bon, il y a en fait la matière taxable des, selon Hume, uniquement la consommation de biens et biens. Bon, ça ne fait pas une assiette très forte. On ne pourra pas augmenter les impôts qui permettront de payer, de rembourser cette dette. Bon. Deuxièmement, ce qui permettait traditionnellement de rembourser la dette, c'est bien entendu les excédents du commerce extérieur. Donc c'est ça, là, on retrouve l'English Treasure by Foreign Trade, ce qui était le trésor de guerre, parce que Treasure, là, c'est le trésor de guerre. Le trésor de guerre, c'était l'excédent des échanges extérieurs. Cet excédent des échanges extérieurs est une illusion. Ça, c'est la grande proposition économique de Hume, selon laquelle, c'est ce qu'on appelle le special flow mechanism. Pourquoi ? Parce que l'excédent extérieur est provoqué, ne peut être dû qu'au fait que les prix anglais soient plus faibles que les prix mondiaux, ce qui engendre un excédent de la balance commerciale. Mais cet afflux d'or conduit à une hausse des prix anglais, et donc au deal, à la diminution de l'avantage comparatif des Anglais par rapport aux extérieurs. Et donc, par contre, quand les prix anglais montent, l'or qui était entré va ressortir. Et donc, on a un mécanisme automatique d'ajustement. Hein. Et ce mécanisme automatique d'ajustement consiste à dire qu'est-ce que Hume en conclut ? Que ça ne peut pas être un moyen, un trésor qui puisse permettre de rembourser la dette contractée à l'occasion des guerres. Donc toute l'analyse monétaire de Hume, à mon avis, est entièrement mobilisée pour démontrer que la dette publique, elle, ne pourra pas être remboursée. Il n'y aura pas d'impôt, ni la croissance, parce que la croissance pour Hume vient, comme pour ses contemporains, vient de la conquête des marchés extérieurs, comme pour Mme Merkel d'ailleurs, bon, enfin bon, passons. Mais donc, par conséquent, la situation est dans une impasse, et donc il n'y a que trois solutions que énonce Hume dans son essai sur le pays public. Trois solutions possibles. Première solution possible, transformer la constitution de la Grande-Bretagne de telle sorte qu'elle se transforme en despotisme oriental. Parce que le despotisme oriental peut directement saisir la richesse de ses sujets, qui ne sont plus des citoyens. Deuxième solution, c'est que la Grande-Bretagne, je le mets dans l'ordre dénoncé de Hume, la deuxième solution, c'est la banqueroute publique. La banqueroute publique, évidemment, ne peut être qu'imposée par le gouvernement. Elle ne sera jamais votée par la Chambre des communes. Pourquoi ? Parce que la Chambre des communes est justement peuplée de gens qui sont des créanciers d'État. Donc elle sera imposée par le gouvernement, donc par le roi, à la Chambre des communes. Et dans ce cas-là, la constitution de la Grande-Bretagne n'est pas despotique, mais deviendra conforme à la monarchie absolue. Troisième position possible, eh bien, si on veut conserver la heureuse constitution de 1788, alors, eh bien, on ne pourra même plus mener la politique d'équilibre des pouvoirs, et donc la Grande-Bretagne sera envahie et perdra sa liberté. Donc là, le crédit public tuera la nation. Donc, ce que dit Hume, c'est qu'il est plutôt en faveur de la mort naturelle du crédit public, c'est-à-dire de la banqueroute. Et donc ça veut dire qu'effectivement, la constitution risque, de la Grande-Bretagne risque fortement d'aller du côté de la monarchie absolue. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette série d'essais publiés en 1752 se termine par trois essais extraordinairement énigmatiques, qui ne sont plus du tout des essais économiques, mais qui sont des essais dans lesquels, premièrement, il regarde une curieuse coutume britannique qui est la presse de la flotte. Mais la presse de la flotte, c'est une petite, une carte très intéressante où la Constitution britannique accepte une infraction majeure à l'égalité des droits. Le deuxième, l'autre essai, c'est sur la population. Apparemment, c'est un long essai démographique, mais qui concerne en fait essentiellement l'esclavage et l'inefficacité de l'esclavage. Là, la Constitution britannique tolère. Enfin, il ne le dit pas, hein, mais on a le sentiment que Hume dit ben, l'esclavage. La position de Hume sur l'esclavage est très négative. L'esclavage est inefficace. Et pourtant, l'esclavage existe et est au cœur même de l'empire colonial britannique. Et enfin, le dernier essai qui est le plus étonnant, évidemment, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, que vous connaissez tous, c'est l'essai sur le parfait Commonwealth, dans lequel on a l'utopie d'Arrington qui est corrigée, rectifiée, etc. Mais qui, ces trois essais disent quoi ? Ben, la constitution actuelle de 1788 est tout à fait imparfaite. Et si on veut éviter, si on veut pouvoir maîtriser la passion martiale des Anglais, il faudra modifier complètement et rectifier cette constitution héritée de 1788. Moi, il me semble que c'est la totalité de ces essais, de ce discours politique, qui ont été publiés sous ce titre, est cohérent. Et que l'analyse économique de Hume est complètement un élément, un argumentaire sérieux, intéressant, courageux, extraordinairement courageux, même, parce qu'il ajoutera un essai sur la jalousie commerciale, justement, publié en pleine guerre de 7 ans, au moment où vraiment le chauvinisme, ou le, comment ça s'appelle, le gigoïsme, ça, britannique atteint son un sommet, eh bien, il est en priant pour le succès, la prospérité de la France. Donc, donc on voit bien que là, on est quand même assez loin de Hirschman, hein, une belle passion qui ne peut être maîtrisée que par la. Par une réforme, une révision complète de la Constitution britannique. Donc on n'est pas du tout dans le domaine des passions opposées les unes aux autres. Et je pense que Hume me paraît assez représentatif. Alors est-ce qu'il me reste encore combien de temps, madame la présidente ? 7 minutes. Ah ben alors je vais aller très vite. Comme la guerre de Satan. La guerre de Satan. Alors là, je voudrais parler maintenant, chez Hume, d'une question tout à fait. Fondamentale et qui s'oppose là aussi tout à fait à cette idée, qui complète cette idée sur laquelle chez Hume les passions ne sont pas opposées les unes aux autres de façon harmonieuse, mais là il faut aller vraiment, là j'arrive sur le terrain de Hume, philosophe, et puis pas n'importe quel philosophe, c'est un texte que je trouve absolument admirable, qui est le traité de la nature humaine et sa théorie donc de la justice, dans lequel Hume, vous connaissez, bon là ici je vais dire, vous connaissez tous, j'imagine très bien. La thèse de Hume, telle que je la comprends, en tout cas, je parle sous votre contrôle complètement, c'est l'idée, c'est une critique donc des thèses sentimentalistes habituelles sur la sympathie, selon laquelle la sympathie peut énoncer un jugement sur le beau ou le laid, le jugement esthétique, et la sympathie peut aider à porter un jugement sur le bien ou le mal, mais la sympathie, dit Hume, et c'est là où, le point central, la sympathie ne peut porter aucun jugement sur le juste ou l'injuste, puisque la sympathie est partielle. Alors, la partialité, chez Hume, je crois que c'est une notion extrêmement intéressante, parce que est partial celui qui est un jugement qui est à la fois, qui confond bien sûr la partie avec le tout, et que cette confusion de la partie avec le tout est due au fait que le point de vue de celui qui commet cette confusion est trop proche. Et c'est que si on a le nez en quelque sorte sur l'objet, alors effectivement on a cette partialité, on ne voit que les points particuliers, on ne voit pas le général. Donc la partialité propose aussi le particulier au général. Et donc Hume déploie beaucoup d'efforts pour dire qu'effectivement donc, la sympathie ne peut pas permettre d'énoncer un jugement sur le juste, parce que les règles de justice sont des règles nécessairement générales. Par conséquent, les règles de justice, dit Hume, donc, ne peuvent être, ne demandant pas de la sympathie, ne peuvent être que ne sont pas naturelles, en ce sens-là, et donc elles sont des règles, des artifices. Et des artifices nécessaires. Alors là, c'est vraiment très beau, évidemment, cette opposition, cette liaison, cette connexion que fait Hume entre l'artifice et la nécessité, puisqu'évidemment, habituellement, on associe l'artifice à l'arbitraire. Et nécessaires dans deux sens. Les règles de justice sont nécessaires parce qu'elles sont utiles à la société, ça c'est un sens banal. Et puis il y a un autre sens que je crois que c'est Deleuze qui a très bien mis, à mon avis, très bien mis en évidence, c'est qu'elles sont nécessaires parce qu'elles sont conformes aux règles de fonctionnement de l'entendement. Il a essayé, dans la première partie du traité, de dégager. Donc il essaie de montrer comment l'entendement va construire nécessairement ces règles de justice, donc il y a le droit de propriété, donc pas de... Mais la propriété, bien sûr, il faut ajuster les propriétés. Donc, pour ajuster les propriétés, il y a les règles de l'échange. Alors, évidemment, Smith en parle très peu. Alors, ça sera le grand objet de la théorie économique, c'est les lois qui déterminent ces règles de l'échange. Alors, Smith traite ça en deux pages. Pourquoi ? Parce que le troc, nous dit-il, l'échange de biens, l'un contre l'autre, M1 contre M2, n'a aucun intérêt. L'échange troc est limité. Alors, ça, c'est un point que je trouve admirable. Magnifique chez Hume, c'est que, qui sera complètement nié par Smith, hein, absolument. Là, l'opposition entre Smith et Hume, sur ce point-là, est décisive. Hume dira, mais le troc est limité. Alors, la limitation du troc, depuis Aristote, on la connaît, c'est celui de ce qu'on appelle maintenant dans le jargon la double coïncidence des besoins. Je suis professeur d'économie, vous êtes vendeuse de fruits et légumes. Avant de trouver une vendeuse de fruits et légumes qui accepte de me vendre des fruits et des légumes, ou même philosophe d'ailleurs, qui m'accepterait d'échanger une leçon de philosophie contre une leçon d'économie, je pense que j'aurai le temps de mourir de faim. Ok, donc ça c'est l'inconvénient du troc, c'est qu'effectivement il faut que les deux échangistes aient envie des biens de l'un de l'autre. C'est pas ça du tout que dit Hume. L'inconvénient du troc, c'est pas ça. L'inconvénient du troc, c'est que même si les deux échangistes se font face, et donc on veut bien échanger les biens de l'un de l'autre, c'est que l'échange est immédiat. Et si l'échange est immédiat, c'est évident que dans une économie un peu vaste, et c'est celle-là qu'on envisage Hume, il faut que tous les échanges aient lieu au même temps et au même temps, simultanément. Tous ces échanges doivent être complètement centralisés. Alors, une économie où les échanges sont totalement centralisés, c'est une économie que la théorie économique moderne aime bien et qui ressemble tout à fait à une économie patriarcale où les gens viennent apporter au centre, au père de famille, les biens dont ils ont besoin, que le père de famille répartit ensuite. Donc, les échanges doivent être immédiats et surtout, les échanges ne peuvent porter que sur des objets particuliers. Donc si nous décidons, mademoiselle, d'échanger votre stylo contre juste cet objet, à supposer que vous acceptiez cet échange, ce dont je doute, eh bien, il faudra échanger mon stylo, mon truc, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mon marqueur, contre votre stylo. Okay ? Et donc les objets seront munis d'une propriété, d'une identité, qui est le fait que c'est le mien et c'est le sien. Bon. Or, dans une économie un peu général, il faut que l'échange puisse porter ses objets généraux. Et donc, par conséquent, que l'individualité des biens soit supprimée, au moins en partie. Donc, le premier obstacle d'inconvénient du troc, c'est son immédiateté. Et pour lever l'immédiateté du troc, tout simplement, Hume dit il suffit d'échanger non pas le bien M1 contre le bien M2, mais d'échanger le bien M1 contre la promesse du bien M2. Donc c'est le crédit privé. Et là, Hume s'arrête, pim, voilà. Tous les freins sont bloqués. Ça se passe parce que, évidemment, il pose une question qui n'est pas simple. Dans le monde de Hume, et puis même dans le monde d'autres, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est comment se fait-il qu'une promesse puisse engendrer le sentiment de l'obligation ? Il ne s'agit pas du tout, et Guillaume est très clair là-dessus. Il ne s'agit pas du fait que je craigne le châtiment. On n'est pas du tout dans le monde utilitariste pan-damien. Hein. Il ne s'agit pas de la crainte du sentiment. J'aurais, bien sûr, j'aurais des sentiments si je n'étais pas. Ouais. Et j'ai le sentiment d'obligation, indépendamment du sentiment de crainte. Donc si je ne remplis pas mon obligation, même si j'échappe, donc, par exemple, la promesse peut être secrète, la promesse, et puis Guillaume ne le dit pas, moi je le rajoute, et les promesses qu'on ne tient pas le plus fréquemment, c'est les promesses qu'on se fait à soi-même. Et là, il n'y a pas de légateur qui tienne. Ok ? Donc, d'où vient le sentiment de l'obligation ? Et Hume dit, comment est-ce qu'une parole, un signe, peut engendrer un sentiment ? Puisque les sentiments ne proviennent que de sensations, les sensations nous viennent du monde externe. Donc, on trouve déjà là, ce que... la question standard... certains font bon, ça, du caractère performatif de la promesse, mais encore une fois, la performativité peut être décrite, mais encore faut-il l'expliquer. Bon. Et Hume dit, mais tout ça vient. Comment c'est possible qu'une parole puisse être performative ? Bon. Et il dit, écoutez, c'est exactement, il faut y croire. C'est comme la transsubstantiation. Alors, la différence entre la promesse et la transsubstantiation, c'est que la religion nous oblige, nous demande de croire à la transsubstantiation, et ça sert à rien, c'est pas socialement utile, alors que la promesse est socialement utile, donc par conséquent, on est tenu d'y croire. Donc on est obligé d'avoir la foi en nous-mêmes et en les autres. C'est vraiment une question de foi, là. Foi utile contre foi inutile. Donc la question complètement, c'est pas répondre, nous ne répondons pas à cette question. Et puis, c'est un certain Kant, je pense, essayera d'y répondre, et puis je pense que certains Freud essayera d'y répondre, c'est pas fini. La question n'est pas finie. Bon, mais il n'aborde pas du tout l'autre aspect, l'autre inconvénient du troc, qui est celui de la généralité. Parce qu'évidemment, et alors quand on lit Hume, je ne suis pas le seul à avoir, j'ai longtemps pensé, mais ça débouche à la monnaie. Parce que la promesse générale, mais qu'est-ce que c'est sinon la monnaie ? Qu'est-ce que c'est que la monnaie sinon, non pas une marchandise générale, comme le dira Marx dans la première section du Capital, mais une promesse de marchandise générale, ce qui n'est pas du tout la même chose, une promesse générale de marchandise plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire ? Qui peut émettre une promesse générale ? Et pourtant, c'est ce qui ressemble plus à la monnaie. Alors Hume ne va pas du tout dans cette direction-là, parce que Hume n'a pas ça en tête. Pour Hume, la monnaie, c'est pas une promesse générale. La monnaie fait partie des conventions comme les conventions du langage, que les hommes ont instaurées, sur lesquelles on ne peut pas se poser trop de questions. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est la théorie de la promesse, c'est la notion de promesse en tant qu'elle a fondé le lien politique, et comme en tant qu'elle s'oppose aux théories contractualistes. Oui, justement. Voilà, je crois, est-ce que j'ai tenu le temps ? C'est parfait. Eh ben voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça permet de se réchauffer. Voilà.